Chapitre 17. À propos de la parole d'Allah, tu ne quittes pas celui que tu aimes. Verset 56 de la sourate, le récit. Dans le recueil de hadith authentique, Ibn al-Musayyib rapporte d'après son père, lorsque les jours d'Abu Talib touchèrent à leur fin, le prophète alayhi salatu wassalam se rendit chez lui et trouva Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à son oncle, « Oh mon oncle, dis, il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Cette parole me permettra de prendre ta défense auprès d'Allah. » Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl lui dirent alors, « Délaisserais-tu la religion de Abd al-Muttalib ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réitéra alors sa requête, et les deux acolytes en firent autant. La dernière phrase qu'Abu Talib prononça fut, « Il suit la religion de Abd al-Muttalib. » Il refusa donc de dire, « Il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. » Le prophète alayhi salatu wa sallam dit alors, « Je ne cesserai de demander à Allah de te pardonner, tant qu'il ne me l'aura pas interdit. » Allah Jalla wa Ala révéla à ce sujet, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs. Verset 113 de la sourate Le Repentir. Il révéla aussi concernant Abu Talib, tu, Mohammed, ne quitte pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Verset 56 de la sourate Le Récit. Les points à retenir. Premièrement, l'explication du verset « Tu, Mohammed, ne quitte pas celui que tu aimes » verset 56 de la sourate Le Récit. Deuxièmement, l'explication de la parole divine « Il n'appartient pas au prophète » verset 113 de la sourate Le Repentir. Troisièmement, le point le plus important est l'explication de la parole prophétique, je cite, « dit, il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. » Fin de citation. Contrairement à la compréhension qu'ont de cette parole, certains qui prétendent avoir la science. Quatrième point, Abu Jahl et ses acolytes ont compris le sens des propos du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'un homme dit, il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Qu'Allah en laidisse donc une personne dont la compréhension est si mauvaise qu'elle pense qu'Abu Jahl est plus savant qu'elle à propos des fondements de l'islam. Cinquièmement, la détermination et la ténacité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de convertir son oncle. Sixièmement, la réponse faite à ceux qui prétendent que Abd al-Muttalib et ses ancêtres étaient musulmans. Septièmement, le prophète alayhi salatu wassalam a imploré le pardon d'Allah pour son oncle. Pourtant, Allah ne lui a pas accordé et il a même interdit au prophète alayhi salatu wassalam d'implorer le pardon pour les polythéistes. Huitièmement, l'influence néfaste des mauvaises fréquentations sur une personne. Neuvièmement, la conséquence néfaste du respect excessif donné aux ancêtres et aux ayeux. Dixièmement, le doute se met dans le cœur des négateurs à cause du dernier argument lancé par Abu Jahl. Onzièmement, il y a ici une preuve que les actes qui comptent sont ceux que l'on fait avant de mourir, car si Abu Talib avait prononcé l'attestation de foi, elle lui aurait été bénéfique. Douzièmement, méditer sur l'importance de ce faux argument, Shubha, c'est-à-dire l'argument des ancêtres et des vieux, dans le cœur des égarés. En effet, le récit montre que c'est au moyen de ce seul argument qu'ils ont débattu avec le prophète alayhi salatu wassalam, malgré sa détermination et sa ténacité. C'est donc en raison de l'importance de ce faux argument et sa clarté à leurs yeux qu'ils s'en sont contentés lors du débat. Commentaire. Sur le sens du verset, tu, Mohammed, ne, fin du passage, il s'agit ici d'une négation et non d'une interdiction. Sur la suite, guide pas. La guider niée ici est la guider d'aide, tawfiq, d'inspiration, ilham, et de secours particulier. C'est elle que les savants nomment la guider d'aide et d'inspiration. Elle signifie qu'Allah Jalla wa'ala place dans le cœur du serviteur une aide particulière lui permettant d'accepter la guidée à l'exclusion d'autrui. Ainsi, un tawfiq est une aide particulière accordée à ceux qu'Allah Jalla wa'ala désire guider en leur permettant d'accepter la guidée et de s'y engager. Placer cela dans les cœurs n'est pas du ressort du prophète alayhi salatu wassalam, car les cœurs sont dans la main d'Allah et il les fait chavirer comme il le veut. D'ailleurs, même ceux que le prophète alayhi salatu wassalam aime ne peuvent être guidés de tawfiq par lui. Le second type de guidée lié aux personnes aptes, mukallaf, est la guidée d'indication et d'orientation. Celle-ci est affirmée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier, mais aussi pour tout prédicateur, pour tout prophète et tout messager. Allah Jalla wa Ala a dit « Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. » Verset 7 de la sourate de Tonnerre. Il a aussi dit au sujet de son prophète alayhi salatu wa sallam « Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. » Verset 52 de la sourate de la Consultation. Tu guides, c'est-à-dire que tu orientes et diriges vers un chemin droit au moyen de l'orientation et de la direction les plus persuasives, aidé des miracles et des preuves démontrant la véracité de ce dirigeant et guide. Si donc la guidée d'aide n'est pas du ressort de Mohammed alayhi salatu wassalam, malgré l'importance de son rang et de son degré auprès de son Seigneur, l'attachement des cœurs à autre qu'Allah, Jalla wa Ala, concernant les affaires importantes, la guidée, le pardon, l'agrément, la capacité d'éloigner les maux et d'attirer les bienfaits, devient caduque. Sur le hadith, dans le recueil de hadith authentique, Ibn al-Musayyib rapporte d'après son père, « Lorsque les jours d'Abu Talib touchèrent à leur fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez lui et trouva Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl. Il, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, « Oh mon oncle, dis, il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Cette parole me permettra de prendre ta défense auprès d'Allah. » Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl lui dirent alors, « Délaisserais-tu la religion de Ibn Muttalib ?» Le prophète, alayhi salatu wa sallam, retira alors sa requête et les deux acolytes en firent autant. La dernière phrase qu'Abu Talib prononça fut, il suit la religion de Ibn Muttalib. Il refusa donc de dire, il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, je ne cesserai de demander à Allah de te pardonner tant qu'il ne me l'aura pas interdit. Fin de citation. La lettre Lem dans l'expression La Astaghfirana, je ne cesserai de demander à Allah de te pardonner, est celle que l'on utilise en réponse à un serment. L'expression complète sous-entendue est Wallahi la astaghfirana lak. Je jure par Allah que je ne cesserai d'implorer Allah de te pardonner. Il s'est effectivement avéré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré le pardon d'Allah pour son oncle, mais l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a-t-elle été bénéfique? Non, car le bénéficiaire de l'intercession était un polythéiste. Or, la demande de pardon et l'intercession ne sont d'aucun secours aux polythéistes. De plus, le prophète est dans la capacité d'apporter un quelconque bienfait à un polythéiste, en demandant à Allah de lui pardonner ses péchés, ou à toute personne s'adressant à lui au moyen d'un acte de polythéisme, et qui espère que le prophète alayhi salat wa sallam dissipera ses malheurs ou lui apportera des bienfaits. C'est pourquoi il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je cite, je ne cesserai de demander à Allah de te pardonner tant qu'il ne me l'aura pas interdit. Allah Jalla wa Ala révéla à ce sujet, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il aurait apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Fin de citation. Il apparaît clairement, dans cette situation, qu'Allah Jalla wa Ala a interdit au prophète alayhi salatu wassalam d'implorer le pardon pour les polythéistes. Partant de là, si l'on suppose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut intercéder dans la vie intermédiaire, bazar, c'est-à-dire note du traducteur, la période entre la mort et le jour du jugement, il est certain qu'il n'intercédera pas en faveur d'un polythéiste qui s'adresse à lui en lui demandant l'intercession, le secours, qui sacrifie une bête ou fait un vœu pour lui, le divinise, remet sa confiance en lui, ou attend de lui qu'il réponde à ses besoins en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Il révéla aussi concernant Abu Talib, « Tu, Mohammed, ne quitte pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. »